La courtisane noire et le père blanc par Lucie de la rue Mardrus. Le rapide crépuscule d'Afrique assombrissait déjà les salles du musée de Carthage. Le jeune père blanc, gardien des antiquités puniques, se disposa à rentrer au couvent. Sa journée était terminée. Il jeta un coup d'œil distrait vers les fenêtres. Dehors, le jardin des pères, calme, aux murs incrustés de fragments de statues et de stèles, balançait les fleurs de ses plates-bandes. Les champs d'orge d'avril, qui recouvrent l'emplacement de Carthage, frissonnaient légèrement vers la mer, et le silence du passé et du soir régnait sur cette moisson verte. À l'horizon, la montagne aux deux cornes projetait dans les eaux en reflets bleu foncé. Le père était là, un peu, d'avoir tout l'après-midi promené des visiteurs d'une vitrine à l'autre, d'avoir répété les mêmes phrases devant les mêmes objets, fait les plaisanteries habituelles au sujet des mêmes masques comiques de terre ou de pâte. Il avait cependant, une heure auparavant, trouvé un bon mot nouveau concernant la tête de mort de cette courtisane noire qui montrait les dents intactes sous une petite vitrine spéciale. Il y songea avec quelque satisfaction. Ses clés cliquetaient à sa ceinture. Il fit encore 3 ou 4 pas de ronde pour s'assurer que tout était dans l'ordre. Des bijoux d'or, par place, luisait derrière les vitres d'un dernier petit éclat avant de s'éteindre dans la nuit. La rondeur des urnes à queue s'accusait vaguement dans des recoins parmi les godets de fards carthaginois, des talingrines, des morceaux de verre irisés, des lampes à 3 becs, tout le trésor menu et curieux des musées. Le père se dirigea vers la porte, et tout à coup, passant devant la tête qu'il avait si finement raillée, il perçut un bruit insolite et léger, sorte de craquement sec derrière la vitrine. Il s'arrêta, surpris, et allongea le cou. Puis il frissonna, car il lui sembla, face à face avec la tête, qu'elle le regardait fixement, du fond des 2 trous ronds de son visage macabre. L'heure du crépuscule est une heure où il semble qu'on doive comprendre quelque chose de mystère éternel du monde. L'ombre, parmi laquelle on commence à ne plus distinguer les choses de la vie ordinaire, révèle peut-être quelquefois un peu du secret de l'invisible. Or, le père, immobilisé à sa place, comprit de la sorte que le silence lui parlait, par la bouche épouvantable de la tête de mort, et livide, tremblant, les mains crispées à sa robe blanche, il écouta. Sans parole, le chef de la courtisane disait « Toi, tu es un saint prêtre, plein de science, et moi je ne suis qu'une fille de joie. Mais je suis morte, et les morts, quels qu'ils soient, en savent plus long que les vivants, car ils sont les aïeux des vivants. Or, on doit le respect aux aïeux. Pourquoi t'être permis de rire tout à l'heure à ma face? Je fais la grimace, disais-tu. En vérité, si je voulais te faire la grimace, tes cheveux se dresseraient sur la tête, sous ta rouge calotte africaine, tes yeux te sortiraient des orbites, tes dents claqueraient. Et tu ne franchirais plus le seuil de cette salle que pour l'hôpital des aliénés. » Un silence se fut un instant. Le silence se tut un instant, puis la voix de menace se fit triste, douce et digne. « C'est une bien grande lâcheté quand les forts se moquent de ceux qui sont sans défense. Ah, quel rire ont poussé tous ces vivants! Quand tu as insulté le peu qui reste de moi, cette pauvre figure sans chair, dépossédée et muette, moi, quand j'étais aussi un être vivant au soleil, j'étais heureuse et riche, car je vendais très cher à mes amants ma belle chair foncée, qui était savoureuse et luisante comme un fruit sombre. J'avais des étoffes que vous ne soupçonnez plus, vous autres, et les plus précieux de ces bijoux d'or que vous avez volés à nos tombes. Et j'avais, dès ma jeunesse, donné des urnes entières de monnaie d'argent pour que ma sépulture fût magnifique et durable. Or, bien des civilisations ont passé sur nos tombeaux, mais en les respectant. Vous seul avez osé porter les mains sur la cité sacrée des morts. Vous seul avez eu le triste courage des hyènes et des vautours. Qu'importe, c'est là le droit du plus fort. Et si la prise de ce butin n'a guère coûté d'héroïsme à vos légions, ce n'en est pas moins une conquête. Je me résigne donc à l'esclavage où je suis tombé. J'accepte sans étonnement de n'être plus qu'un objet, moins important qu'une bague sigillaire, de rester la prisonnière de cet étroit cachot de verre grossier, moi qui ai bu, au fond de mes palais, dans des coupes de tir plus coûteuses que des pierreries. Mais la chose qui me surprend, ô prêtre, c'est ton rire. Car les morts savent tout. Et je sais que ta religion se nourrit de l'idée de l'éternité. Le jeune père blanc avait baissé très bas son front. La voix plus grave du silence continuait. « Dis-moi, pourquoi prenez-vous à vos enfants à se découvrir quand ils passent un convoi dans la rue? Pourquoi saluez-vous les morts? Si vous devez ensuite railler le visage d'un squelette, pourquoi parlez-vous d'éternité? Oui, je sais, vous dites, ce ne sont que de très vieux ossements. Et cela n'a plus d'importance. Il y a des siècles qu'ils sont dans la terre. » Mais si vous croyez à l'éternité, pourquoi donc parlez-vous de siècles? Que sont des milliers de siècles vis-à-vis de l'éternité? Il n'y a pas des morts du jour, comme il y a des œufs du jour. Les morts ne meurent plus. Si, dès que le plus banal, le plus grossier, le plus méprisable vivant est à 6 pieds sous terre, votre instinct vous pousse à le considérer comme quelque chose de sacré. Si vous croyez à la sainteté des morts, pourquoi ne vous dites-vous pas que leur sagesse augmente avec les siècles de trépas, et qu'ils en savent beaucoup plus long, ceux-là qui ne sont plus que poussière, beaucoup plus long que le cadavre tout frais, enfoui avec tant d'émotions et de cérémonies. La nuit était complètement tombée. On ne distinguait plus une forme, plus un reflet, plus rien du désordre étiqueté des vitrines. Simplement, quelques premières étoiles aux fenêtres scintillaient. Plus confidentielle, plus proche, la voix achevait. Non, il ne faut pas rire des morts anciens. Il faut être en esprit avec eux, comme s'ils étaient des contemporains. C'est là la charité qu'ils attendent des vivants. D'ailleurs, nous sommes tous contemporains. Écoute, écoute, ô jeune homme irréfléchi, toi qui t'assieds dans les églises pour entendre la leçon des prêcheurs. Tu te permets de rire de ma tête de mort. Et tu en as une exactement semblable sous la peau de ton visage. Mais je me tairai à présent. La nuit venue est obscure comme l'était mon corps de plaisir. Il semble, ce soir, que ma beauté de jadis se soit répandue sur tout l'univers, qu'elle enveloppe de sa sombre douceur les êtres et les choses. C'est pourquoi, sans doute, tu comprends si bien ces paroles que je te murmure. Entends donc, ô jeune prêtre, puisque tu trembles devant moi, comme un enfant coupable, puisqu'une angoisse, pleine de repentir et dans ton cœur, entend ma supplique. Dis, ne me laisse pas plus longtemps, sous ce verre humiliant parmi ses urnes, ses bijoux et ses godets de phare. Prends ma tête, dont tu as ri sans savoir, et rends-la à la terre qui est bonne pour les morts. Rends-la à la terre germinatrice, à la terre vivante et chaude qu'est le destin des morts. La bouche du silence s'était tue. Plus rien ne chuchotait dans l'ombre. Lentement, le père blanc étendait devant lui ses deux mains tâtonnantes. Le lendemain, il eut un grand émoi dans le couvent, car en inspectant le matin les salles des antiquités puniques, on découvrit qu'une vitrine y avait été brisée et que la précieuse tête de courtisane noire en avait été enlevée. Chacun supposa, commenta, potina. Tous les journaux de la région et même ceux de Paris parlèrent de l'événement. Ce fut, dans les salons de Tunis, la conversation du jour, pendant plusieurs semaines. Mais qui au monde eût pu se douter de la cérémonie nocturne et clandestine au cours de laquelle le jeune père blanc, seul à minuit, dans le jardin du couvent, accomplit les pieuses funérailles de la tête antique, de la tête intacte et décharnée de la courtisane noire. De même, nul ne s'expliqua jamais pourquoi ce jeune prêtre, jusque-là sans secret, avait planté, dans un coin de plate-bande précieusement labourée, ce beau rosier à rose rouge très foncé, dit d'œil, et qu'il s'en laissa saluer d'un petit signe chaque fois qu'il passait près d'elle, alors que le vent de mer, inclinant la fleur sombre et somptueuse comme un corps de courtisane noire, lui faisait rendre gentiment un salut plein d'intelligence, de mystère et de gratitude. C'était la courtisane noire et le père blanc, par Lucie de la rue Mardrus.